Chapitre 7e. Délivrance. Le ministère public avait dressé contre moi 12 autres actes d'accusation, un pour chacun des hommes de couleur trouvés avec moi lors de mon enlèvement. On voulait un verdict pour chacun. L'affaire de Dick n'était qu'un ballon d'essai, et l'on espérait en fin de compte me faire condamner à 65 ans de travaux forcés, c'est-à-dire à perpétuité. Heureusement, mes amis, qui avaient appris ma condamnation, ne restaient pas inactifs. Le 23 juillet, en regardant dans la rue par la fenêtre de ma cellule, je vis passer rapidement un homme en manche de chemise qui ressemblait à un ouvrier. Un coup d'œil, prompt comme l'éclair, qu'il me lança à la dérobée, suffit pour me faire reconnaître une figure amie. Peu de temps après, je vis un autre homme flâner autour de la prison et de temps à autre, lever furtivement les yeux vers moi. Il avait l'air d'un marchand et me fit un signe bien connu des Free State Men du Kansas. Il y avait séance au palais de justice ce jour-là, et les fenêtres étant ouvertes, je pouvais voir ce qui se passait dans la salle. Tout à coup, je reconnus au nombre des témoins une troisième personne qui ne m'était pas étrangère et qui parlait de la prison avec un des citoyens. Je dis à mes compagnons de captivité que je venais de voir des anges se promener autour de la prison. Ils se moquèrent de moi. Je me mis à faire un paquet de mes vêtements, et prétextant la fraîcheur des soirées, je fis demander à Madame Brocon les chemises qu'elle avait dû laver pour moi. Alors seulement mes compagnons commencèrent à me prendre au sérieux et à vouloir aussi faire leur paquet. Vers le soir, la porte s'ouvrit et à la grille parut un jeune homme qui portait un sac de nuit et semblait être très pressé. Il me dit qu'il avait vu récemment ma femme et mon fils, que tous deux se portaient bien et comptaient me revoir dans 15 jours. En même temps, il examinait la prison tout en parlant au geôlier. Il venait d'attirer l'attention de celui-ci sur un moyen particulier de ventilation. Lorsque, me doutant de quelque chose, je l'observai et je vis un petit morceau de papier dans la main qu'il tenait derrière le dos. Je pris ce billet et le jeune homme se retira presque aussitôt sans affectation. Quand la porte fut fermée, les prisonniers dont l'attention était déjà mise en éveil et qui avaient surveillé les moindres gestes du visiteur voulurent voir le papier. Je lus tout haut ces mots. « Soyez prêts, à minuit. » Mes compagnons me représentèrent alors la folie d'un projet de fuite et l'impossibilité du succès. Mais ma confiance inébranlable les gagna, et quelques-uns se préparèrent à profiter de toutes les éventualités. À 9 heures, un orage furieux éclata. La pluie tombait à torrents. Nous étions tous à la fenêtre à regarder les éclairs, tandis que de formidables éclats de tonnerre et les mugissements d'un vent impétueux semblaient ébranler la terre. Vers minuit, on entendit frapper un grand coup à la porte de la prison. « Qui est là? Que voulez-vous ? » demanda le geôlier. « Nous venons du comté d'Andrew, et nous avons un prisonnier que nous voudrions faire enfermer pour plus de sûreté. Ouvrez vite. Quel est ce prisonnier ? C'est un fameux voleur de chevaux. Avez-vous un mandat d'arrêt ? Non, mais tout est en règle. Je ne puis pas admettre un prisonnier sans mandat. Si vous ne voulez pas, vous serez cause d'un malheur. C'est un furieux, et nous avons eu bien du mal à le prendre. » Nous vous apporterons au matin tous les certificats nécessaires. » Le geôlier descendit et les laissa entrer tout en maugréant. Puis, se tournant vers le prisonnier, « Qu'en dites-vous? Croyez-vous qu'on puisse vous convaincre du délit? Non. On a bien trouvé le cheval en ma possession, mais on ne pourra pas prouver qu'il a été volé. Eh bien, s'ils ont trouvé le cheval en votre possession, je crois deviner qu'ils n'ont pas tort et je vais vous enfermer. » Nous les entendîmes bientôt s'approcher, et nous nous cachâmes tout habillés sous nos couvertures. La porte s'ouvrit et je vis le geôlier, le voleur qui avait les mains liées et 3 hommes, dont 2 tenaient le prisonnier. Celui-ci, arrivé à la grille, refusait d'avancer. « Je ne veux pas être enfermé avec des nègres, » dit-il. « Oh !» répliqua le geôlier, « nos nègres sont enfermés en bas. »« Avez-vous ici Doyle, le vieil abolitionniste ?» demanda un des hommes. « Oui, le docteur Doyle est ici. »« Eh bien, c'est lui que nous venons chercher. » dit aussitôt le questionneur. « Oui, » ajouta un de ses camarades, « nous sommes venus non pour te livrer un prisonnier, mais pour en délivrer un qui est injustement enfermé. » Au même instant, le faux voleur dégagea ses mains des liens qui paraissaient l'enchaîner et qui se trouvèrent transformés en un nœud coulant dont il tenait la boucle cachée dans sa main. Le geôlier voulut s'élancer pour fermer la porte, mais un des hommes lui mit un pistolet sur la poitrine. « Il est trop tard, monsieur Brocon. » « Si vous résistez, si vous faites le moindre bruit, vous êtes mort. La porte d'en bas est gardée. La prison est entourée de gens armés. Nous avons pris toutes nos mesures. Ainsi, restez tranquille. » Pendant que le faux voleur m'aidait à me lever, le geôlier prit la parole. « Messieurs, dit-il, je suis en votre pouvoir et forcé de me soumettre. Mais que le docteur décide. Docteur, ne pensez-vous pas que vous ferez mieux de rester jusqu'à ce que vous soyez légalement acquitté par la Cour suprême ? En vous enfuyant ainsi, vous courez le risque d'être repris. Monsieur Brancon, répondis-je, j'ai été enlevé sans raison de chez moi et je crois être parfaitement dans mon droit, en reprenant ma liberté comme je le puis. Quant à la Cour suprême, je ne me fie à aucune cour du Missouri. Mes papiers d'ailleurs n'y parviendront jamais. Je vais donc partir avec mes amis et courir le risque d'être repris. » J'étais prêt. Je serrai la main du geôlier en le remerciant des soins qu'il avait eus pour moi. Mes amis lui rappelèrent que la prison était cernée, qu'on ferait feu sur lui ou sur tout autre qui essaierait de donner l'alarme ou de sortir avant le jour. Comme les autres prisonniers voulaient nous suivre, mes amis s'y opposèrent formellement, leur disant qu'ils étaient venus seulement pour réparer une injustice et non pour soustraire aux lois ceux qui les avaient violés. Au bas de l'escalier, nous rencontrâmes M. Slayback, qui, arrivé trop tard par le chemin de fer, venait demander au geôlier un asile pour la nuit. À la demande de M. Brocon, et pour dégager sa responsabilité, mes amis exposèrent à M. Slayback ce qui arrivait et l'invitèrent à attester que le geôlier n'avait fait que céder à la force. À la sortie de la prison, nous trouvâmes d'autres amis qui nous attendaient. Je m'évanouis de faiblesse, et deux de mes camarades furent obligés de m'emporter en me soutenant par les bras. Nous eûmes beaucoup de peine à nous diriger dans les ténèbres, mais enfin, nous atteignîmes la rivière. Là, nous eûmes un autre embarras. Nous ne pouvions retrouver nos bateaux. Cependant, deux hommes de la police étant approchés de nous avec leurs grandes lanternes, nous aperçûmes ce que nous cherchions et nous nous hâtâmes de nous embarquer. Puis les uns firent force de rame, pendant que les autres vidaient avec leurs chapeaux l'eau qui remplissait les embarcations. Nous atteignîmes enfin la rivière du Kansas. On me fit monter dans un fourgon couvert, et on tira deux coups de pistolet pour annoncer notre succès aux amis qui étaient restés à faire le guet autour de la prison. Je partis ensuite avec mes libérateurs. Ils étaient 10, les uns à pied, les autres à cheval. Nous ne nous arrêtâmes pour déjeuner qu'après avoir fait 20 000, et notre hôte nous conduisit ensuite, avec son propre attelage, à 12 000 plus loin. Tout le long de la route, une foule de gens venaient nous féliciter. Évidemment, ils avaient été prévenus de cette expédition. Le matin, quelques Missouriens nous avaient suivis de loin, mais sans nous effrayer. Mes 10 compagnons suffisaient pour leur tenir tête. D'ailleurs, d'autres amis avaient été placés en embuscade sur divers points et nous auraient prêté main forte au besoin. Toutefois, pour en finir, 4 de mes libérateurs se détachèrent de la troupe vers 3 heures de l'après-midi et chassèrent les Missouriens qu'on ne revit plus. Ce premier jour, nous voyageâmes jusqu'à minuit. Le lendemain lundi, à 5 heures de l'après-midi, nous avions parcouru 90 000 et nous arrivions à Lawrence, la cité de refuge. Une triple salve d'artillerie célébra notre retour et mes 10 valeureux libérateurs, accueillis par de chaleureuses acclamations, reçurent les félicitations que méritait le succès de leur aventureuse entreprise. Grâce à leur courage et à leur persévérance, j'étais rendu au pays que j'aime tant, à ma famille, à mes amis et à la liberté. Ainsi s'achève l'extrait du récit du docteur John Doy, Aventure d'un abolitionniste du Kansas dans le Missouri.